sont allés, tous les rassemblements. Allez, tous les rassemblements de Dom Bertin sont arrêtés. Bing sur le ring, bang sur le ram, laissez passer les rassemblements. Bing sur le ring, bing bang. Now in my lousy French, my lousy Québécois, it means where have all the raftsmen gone? Down by town, that is by Ottawa, they stopped. And he goes on to say they brought provisions, they ate and so on. You'll hear it half in English, half in French. De Dom Bertin sont arrêtés, de Dom Bertin sont arrêtés, des provisions sont apportées. Bing sur le ring, bing sur le ram, laissez passer les Rafmans. Bing sur le ring, bing bang. Sont apportés, des provisions sont apportées, des pork and beans ils ont mangé. Bing sur le ring, bang sur le rhum, laissez passer les Rafmans. Bing sur le ring, bing bang. Des pork and beans ils ont mangé, des pork and beans ils ont mangé, après avoir très bien dîné. Bing sur le ring, bang sur le rhum, laissez passer les Rafmans. Bing sur le ring, bing bang. Après avoir très bien dîné, après avoir très bien dîné, un pipe du plâtre ils ont fumé. Bing sur le ring, bang sur le ram, laissez passer les Rafmans. Bing sur le ring, bing bang. After they had dined well, they smoked their clay pipes, and then they all went down to Mother Gautier's. Un pipe du plâtre, ils ont fumé. Un pipe du plâtre, ils ont fumé. Sans aller voir la mère Gautier. Bing sur le ring, bang sur le ram, laissez passer les Rafmans. Bing sur le ring, bing bang. You know, I usually don't translate from here on. Sans aller voir la mère Gautier. Sans aller voir la mère Gautier. Et les grosses filles, ils ont demandé. Bing sur le ring, bang sur le ram, laissez passer les Rafmans. Bing sur le ring, bing bang. Et les grosses filles, ils ont demandé. Et les grosses filles, ils ont demandé. Au prix du rhum à le coucher. Bing sur le ring, bing sur le ram, laissez passer les Rafmans. Bing sur le ring, bing bang. Au prix du rhum à le coucher. Au prix du rhum à le coucher. Les médecins ont consulté. Bing sur le ring, bing sur le ram, laissez passer les Rafmans. Bing sur le ring, bing bang.